d'air. Suffit, j'en sais déjà trop. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et non, t'as la rombière, la gueule en gélatine et sain doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Mais je... Tais-toi! Tais-toi! Salaud pauvre.